Olivier. Ouais. Ouais. Numéro 1. Ça marche pas. Ça marche pas. Attends, on va essayer. Ça marche pas. Oh la merde. Bon, bah, salut. Pas de radio. Merci de Gérard. Et donc, bienvenue, il est 1h27, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000 et toujours 3615, 4 Fun Radio, rubrique Garrick, sur l'internet, il y a Rigo qui vous attend. Ouais. Donc Rigo, si tu peux donner le... Ouais, c'est irc.funradio.fr, voilà. Et donc, on va accueillir Allo, 19 ans de la Ferté-la-Gouffre. Sur la croûte. La croûte, ou qu'on peut écouter Fun Radio sur 101.7. Oui. Bonsoir. Bonsoir la croûte. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir Max, bonsoir Fildar, bonsoir Rigo, bonsoir Olivier de la Pro. Bonsoir. Salut. Bon, ça y est, ça y est. Donc Christian, oui. Sur 101.9, la salle Saint-Cloud. Bonsoir Gérard. Bonsoir Christian. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Tu es toujours sympa. Voilà. Tu es toujours, je t'estime beaucoup. Ok. J'ai passé de bonnes vacances. Eh ben, t'as de la chance, moi je suis resté toujours au même endroit. Moi donc... j'ai pu aller à la Grande Motte. Ouais. Elle est passée de très bonnes vacances, excellente. T'as reçu ma carte? Non, ouais. Toujours pas. Ma Fun Radio, vers une carte, c'est pour tout le monde, quoi. Ouais, on l'a reçu, Christian. Voilà. Bon. Donc on va accueillir Petit Beurre, 20 ans de la Fosse-sur-Mer, où qu'on peut écouter Fun Radio sur 106.9. Ouais, salut GG, salut Francky, salut Fildar, salut Manu, salut Rigo, salut Olivier, salut tout le monde, bonsoir. Salut. Donc Françoise de la Courneuve sur 101.9. Ouais. Rebonsoir. Salut. Briquet, 22 ans de Bordeaux sur 108.4. On écoute Fun Radio. Ouais, salut Gérard, salut Manu, salut Fildar, salut Oli, salut Max, salut Rigo, salut Ville Limitée. Il n'y a pas du monde derrière toi parce que là, il y a un son bizarre. Pas ouais. Du tout, non, je suis toute seule. D'accord. Et Godzilla, 23 ans de Deauville, où qu'on peut écouter d'après le standard sur Deauville 52.4. C'est ça. Bonsoir, ma chérie. Quoi, bonsoir, monsieur. Attends, déjà, tu as commencé par te calmer, s'il te plaît. Écoute, je dis, mes chéris, mais c'est pas à toi, c'est Manu, Fildar, Max, etc. Bonsoir. Non, mais attends, tu peux dire bonjour tu quand même. Tu peux dire bonjour à Gérard. Bonsoir, Gérard. Comment vas-tu, Gérard? J'ai pas regardé ce matin. De toute manière, vous allez vous en prendre plein. Donc la fréquence, c'est bien 52.4. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ça m'étonnerait. À Deauville, ça m'étonnerait que ce soit ici. J'y habite quand même, Gérard, je sais ce que je dis. Ouais, ouais, ben, je regarderai plus tard, hein, d'accord? D'accord. Département 14. Toc. Oui. Voilà. Ça marche par département avec Gérard. Je contrôlerai plus tard. Donc, alors, la première... les débats, c'est sur le dopage. Et le deuxième se portera sur les fantasmes. Et on va commencer tout de suite par les dopages. Si ça commence à... Non, mais je crois qu'il y a quelqu'un dans une cabine. Dans une cabine, ouais. Ouais. Alors, c'est celle ou celui qui est dans une cabine le dit tout de suite, parce que ça ne va pas aller longtemps. C'est pas moi. Non, c'est... Moi non plus. C'est dans ma chambre. Ni moi non plus. Ouais, ben, de toute manière, c'est jamais personne, hein. C'est pas moi. Comme d'hab. Moi, je suis dans la chambre. Ouais, ben, on le sait, on le sait, Christian. Tu veux pas faire une petite bague à ta sœur qui est à Düsseldorf? Oh, ben, si tu veux le faire, tu peux le faire demain. Non, pas demain, ça se fera pas, hein. Ah bon? Donc, sur le dopage. Alors, que savez-vous sur le dopage? Donc, Godzilla. Sur le dopage, il y a déjà le Tour de France. Non, mais attends, Christian. On va demander à Godzilla. Gérard, je sais pas ce que c'est le dopage. Ah, tu sais pas ce que c'est le dopage? Tu suis pas le Tour de France? Bah non, j'étais en vacances. Ah, t'étais en vacances. Et comme par hasard, le Tour de France n'est pas passé du côté de Deauville? J'étais pas à Deauville, j'étais en Polynésie, Gérard. Ouais, t'étais en Polynésie, bien sûr. Tu prendrais pas les gens pour des cons? C'est pas de ma faute si mes parents sont riches, hein. Ah ouais, ouais. Non, mais. Attends, je te demande si tu prends. Dehors. Allez, bonne nuit. Allez, hop. Hop, bonne nuit pour Godzé. Ah, Briquet! Oh! Bah, j'ai mis tout le monde dehors. Olivier, s'il te plaît, une fois! Deux fois! Oui. Deux fois! Oui? Eh bon! Donc, Briquet! Oui? Briquet! C'est trop dur comme question, là. Ça fait quoi le dopage, c'est ça? Que savez-vous sur le dopage? Bah, c'est pas bien. C'est qui répond? C'est Briquet. Donc, alors, pour toi? Bah, c'est pas bien. Pourquoi? C'est-à-dire? Non, y a pas des pourquoi. Pourquoi? Y a pas de pourquoi! Dans quel sens? C'est pas bien. Précise ton nom. C'est pas bien parce que j'en connais que ça va gerber vite fait là, je le sens. Non, je te jure, c'est pas bon pour la santé, puis c'est pas bon, c'est pas mais bon. Mais pourquoi? Parce que y a plein de substances chimiques. Non, mais attends, briquet, briquet. Oui. Briquet. Tu réponds pas à celui qui te demande et pourquoi et comment, d'accord? Bah, je pense, c'est un débat, non? Non, non, mais moi, tu réponds pas à ces gens-là, d'accord? Ah, je parle qu'à toi, alors. Voilà, tu réponds, je te demande, que savez-vous sur le dopage, donc pour toi, c'est pas bon. Bah, c'est pas bien. D'accord. Gérard, excuse-moi, à la place de Godzilla que t'as viré, on accueille Susson, qui habite à Châteaudun. Et elle a 18 ans. Salut, Susson. Bonsoir, Gérard. Salut. Ça va? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Oh là. Oh, mais Gérard, je pose une question, hein, c'est tout. Oh là là. Je te réponds, t'es médecin? Non, non, mais... Non, t'es vétérinaire, d'accord. Ok, allez, hop, hop, Françoise. Ah, Gérard, oui. C'est pas gentil. Bon, Susan, tu permets, on continue la question, de faire le tour des gens. Bah, moi, je dirais pareil, exactement pareil, que c'est pas bien. De toute façon, il n'y a pas que pour le Tour de France hein, qu'il y a le dopage. Hein. Ouais. Alors, si je te dis que dans la formule... Il y a le karaté, il y a la natation, il y a tout ça. Hein. Tir à l'arc. Non, mais attends. Françoise. Oui. Françoise. Oui, je suis là. Écoute, hein. Là, tu viens de me dire le tir à l'arc. Si je te dis... Le karaté, je t'ai dit. Ouais, bah, tu m'as dit le tir à l'arc. Le judo, si tu préfères. Le judo, karaté, natation. Le tir à chambre. La pétanque. Ouais, et le sport en chambre aussi, y a pas de dopage? Il y a le Viagra. Ouais, voilà, Viagra, qui c'est qui a dit le Viagra? Et même les joueurs footballeurs. Et le petit chinois aussi. Un petit chinois, bien sûr. Y a pas la main de ma soeur dans la culotte d'un soir, non plus. Donc, Françoise, si, à ton avis, même en Formule 1, il y en a qui se dopent alors. Pourquoi? Exactement. Ah, bah, les voitures, elles sont dopées. Ah, ouais, elles sont dopées. Ah, ouais, il y a des mecs attends. Bah, ouais, c'est clair, quoi. Ils mettent du nitro. Qui Attendez, qui? N'importe quoi. C'est petit beurre. T'as pas le droit de mettre du nitroglycérométhanol en Formule 1. Il y a des mecs qui le font, c'est du dopage, c'est tout, c'est pareil. Il y a des chevaux. Attends. Et l'OPO pour toi, c'est quoi? Bah, l'OPO, si tu le mets dans une voiture, la voiture va plus vite, c'est clair. Ouais, t'as raison. Et tu sais ce que c'est de l'OPO? Non, vas-y, dis-moi. C'est des produits que les coureurs ont pris pour sur le Tour de France. Ils les ont pris en vente sur le Tour de France? Non, ouais. Non, ils en ont pris, tu vois. On en a parlé. Oui, ils en ont assez parlé longuement. Et ça continue encore à l'heure actuelle d'en parler. Ça continue le Tour de France encore? Non, c'est terminé. Ça continue pas. Christian. Oui, il passe en justice. Hmm? Il passe en justice en ce moment. Non, mais Christian. Oui. Christian, ouais. On s'en fout, on le sait qu'il passe en justice, ouais. on s'en fout. Ouais. Mais pour toi, même les footballeurs. Ouais, mais ça, je pense que lors de la Coupe... Oh là, ça commence à... Attends, Christian. Oui. Christian, je te demande 5 minutes. 5 minutes. Oui. Là, Manu et Pildar, vous me chopez celui qui est dans la cabine parce que là, c'est épouvantable. C'est on entend le bruit des voitures, j'ai horreur de ça. Bon, moi, j'arrête tout. Allez, hop. Il faut qu'on aille le choper, putain, ça va faire. Non, mais vous cherchez qui c'est qui est dans une cabine, c'est tout. C'est atroce. Les clés de la voiture. Atroce. À toute personne qui est dans la cabine. Non, alors maintenant, c'est où vous faites le boulot comme on a dit tout à l'heure, ou vous le faites pas du tout et je me casse. Mon petit Gérard, est-ce que tu peux parler tu peux parler devant ton micro? Non, il n'y a pas de mon petit Gérard, d'accord? Je ne bouge pas avec toi. Devant ton micro. Fais gaffe parce que tout à l'heure, tu vas te prendre une caméra dans ta tranche. Bon, on va le gérer, Gérard, continue. Donc, très gentil. Donc, alors quoi, Christian, donc, pour toi, là-dessus, même les athlétismes. Ouais, mais ça, je n'aime pas entendre cette histoire de mots drogue, dopage, pour moi, ça devrait être interdit. Attendez, on va pas tout mélanger. Ouais. Parce que Gérard est pas vraiment d'accord pour l'alcool. Non, mais même, il y a Allo qui a quand même pas encore répondu à la première question. Ouais, donc moi je suis tout à fait pour, hein. Moi je suis pour le dopage, moi-même je me dope, l'eucalyptus. Ouais. C'est le pétard des koalas. Ouais. Voilà, et donc, s'il y a des mecs qui ont des cheveux longs, je recherche tout style de barrettes. D'accord, alors, tu vois, les mecs avec les cheveux longs et les barrettes, tu vas aller les retrouver au standard. Ah, bah, Fildar. Non, mais Gérard, dans un débat, il faut des pour et des contre. Allô. T'as voulu jouer au cow-boy, maintenant, on va te dire bonne nuit. Allez, bonne nuit. Voilà, bonne nuit. Bonne nuit. Salut. Alors, moi je peux... Susan, tu veux peut-être répondre? Oui, mais comme je viens d'arriver, j'ai pas entendu la question, Gérard. Alors, que savez-vous sur le dopage? Alors, sur le dopage, je crois savoir qu'il y a des mecs qui se sont dopés au Tour de France, c'est ça? Ouais, ben ça, on vient d'en parler assez longtemps. Et surtout en athlétisme, il y en a beaucoup qui se dopent aussi. Et au tir à l'arc. Et au tir à l'arc, c'est ça? Ouais, non, mais il n'y a pas que... Bah, y a un peu pas partout, que... Non, au tir à l'arc, je me demande comment que les gens ils arrivent à se doper. Hein. Surtout au lancer de poids, parce qu'il faut bien qu'ils fassent deux tours avant de lancer le poids. Ouais, mais alors dans ces cas-là, moi je vais te dire une chose, comme ça a été dit, et je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, Briquet, Françoise, et Petit Beurre et Christian, attends Christian. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que les coureurs en ont marre, c'est que, bon, il y a eu cette histoire-là, c'est que le coureur, on en marre jusqu'à la fin du Tour de France, que cette histoire-là soit répandue partout. Et les coureurs, non mais d'accord, ils ont qu'à pas se doper, je suis d'accord avec toi, mais faut se dire une chose, c'est qu'ils en ont marre aussi, c'est que leur alimentation n'est pas pareille. Ouais, c'est pas la pareille. Gérard, moi je les plains vraiment, tu vois, ils sont de 200 000 par mois, c'est vraiment des pauvres gens, ils sont obligés de se doper, c'est vraiment des pauvres gens. Ah non, je suis pas d'accord. Attendez, ils ont commencé, je sais plus quand, mais ils ont quand même 4000 km dans les pattes. Plus que ça, attendez, c'est leur travail. Hein, ah ouais, mais d'accord, ouais, non mais attends, ouais, c'est peut-être leur boulot, mais derrière, c'est qu'ils ont quand même une vie familiale. Ouais, sur Minitel, sur Minitel, on nous dit ils ont qu'à les faire en voiture. Ouais, ben ça ils ont qu'à les faire en voiture. S'ils veulent faire 4000 bornes en bagnole sans pognon, ben c'est leur problème. Parce qu'il faut dire une chose, que le Tour de France, ou que ça soit la Formule 1, comme on veut venir sur le dopage, moi dans la Formule 1 j'ai jamais entendu parler de dopage. Il y a que sur le Tour de France qu'on en parle. Dans le foot on n'en entend pratiquement pas parler. Dans le rugby, même c'est pareil. Les chevaux aussi. Gérard, même les chevaux. Petit Beurre. Oui, je voulais savoir si, tu sais, donc pour parler du Tour de France et du maillot jaune, je voulais savoir si toi tu t'étais dopé pour avoir le slip jaune. Alors, Petit Beurre. Petit Beurre. C'est ça le dopage. Si tu bois trop de café, il y a slip jaune après, forcément. Attends, Petit Beurre. Oui. Petit Beurre, oui. Est-ce que ta connerie t'a donné l'autorisation de te doper pour passer à l'antenne? Oui. Oui. Ah, bah alors, dans ces cas-là, tu retournes au standard. Oui. Je peux te poser une question qui m'intrigue depuis longtemps. Oui. Les cyclistes, comment ils font pipi et caca? Ah, ça. Je voulais te poser la même question. Alors là, je vais te dire une chose, tu vois, Susan, ça c'est un truc qu'il faut voir, ça, moi je peux pas te le dire, en principe c'est quand ils arrivent à une arrivée, si c'est pas tellement long, c'est tout. Ouais, mais je comprends pas comment ils peuvent faire ça. Attendez, s'il vous plaît, il y a une question Minitel, merci. Ouais. Non, mais c'est pas une question Minitel, c'est un compliment, donc comme il y en a un quand même, je vais le lire. Non. Bah vas-y, dis, si c'est une connerie, fais-moi confiance que... Alors, c'est Pépette qui dit, pour moi le produit le plus dopant, c'est toi, Gérard. Ouais, bah alors là, va sursauter, ça va plus vite. Donc, attends, excuse-moi, avant que tu reprennes, on accueille Tounaz. Tounaz, ça va. De Corbeil-Essonne. Ouais, et il doit de naze, lui. Oui. Il est bien naze. Ouais, Tounaz. Il est bien naze au départ. T'es Tounaz? C'est Tounaz. Ouais, j'espère que tu vas pas être naze pour répondre aux questions. Bah, c'est Tounaz, Gérard. Donc pour toi, parce que je vais pas revenir, on va pas rester sur la première. Ouais. C'est chiant. Ouais, passe la deuxième. Deuxième. Non mais on va demander à Tounaz s'il veut répondre, s'il a entendu la question. Tu peux répéter. Non. Bon attends, dis non, toi, tu allais te faire sauter, toi, si t'es pas content. Oh là là, Gérard. T'énerve pas, Gérard. Elle va pas commencer comme ça, la nana, si elle est pas contente, elle raccroche son téléphone. Ouais, elle nous laisse. Tu reposes la question à Tounaz. Donc, Tounaz, alors pour toi, que savez-vous du dopage? Sans reparler de l'histoire des cyclistes ou autre, qu'on vient de faire un truc assez long. Bon, Tounaz, une fois. Deux fois. Tounaz, deux fois. Tounaz, trois fois. Adieu. Bonne nuit. Au revoir. Allez, hop. Merci, Fildar. Adieu, j'ai rendu. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il y a? Il est là. Non. C'était trois fois, c'est terminé. Hop. Gérard, c'est Tounaz. Alors, le dopage. Bah, tu travailles ou quoi? C'est Tounaz. Hey, vous allez vous réveiller au standard, vous avez pas commencé. Non mais c'est vrai, Gérard a raison, qu'est-ce que vous foutez là? Bah il est là. Il est là, vous amusez. Il passe sur coup de téléphone perso. Ouais mais ils vont pas s'amuser là, il y a 24 lignes qui sonnent, on va prendre... Allez, c'est fini les vacances. Ouais, c'est terminé. Tounaz. Gérard. Allez hop, Tounaz, dégage. Allez, terminé. Gérard est en train de taper Fildar. Gérard, c'est Tounaz. Il est là. Gérard, t'es pas Tounaz. Ah, c'est naze. Moi, j'ai gentil, Gérard. C'est prévenu, ok. C'est bidon. Gérard, c'est pas tout naze. C'est bidon. C'est tout. Il a frappé Fildar. Non, attends, il s'amuse à couper les gens. On les entend pas. Gérard, c'est de la daube. Alors, ok. Alors, Tounas, pour la dernière fois. On ne se bat pas dans le studio. Tounas, pour la dernière fois. Bon, c'est quoi, là? Il disait de se calmer, Gérard. Bon, non. Allez, terminé. Non, terminé. Respire. Deuxième question. Gérard, tu vas prendre ton temps. Arrêtez, laissez Gérard faire son débat un peu. Gérard, je peux répondre à la question? Vas-y, réponds. Ouais, donc le dopage, bah moi je trouve ça tout naze. Ah oui, normal. C'est bien. Alors considérez-vous que le dopage soit une maladie. Alors tout naze, tu vas pas commencer à me les gonfler. Parce que tu vas te faire tout naze au standard. Y'a Sim sur Minitech qui te connaît pas et qui te demande c'est quoi ce guignol. Sim, il t'emmerde. Ok. Jean Lefebvre. Voilà, c'est Jean Lefebvre, tout à fait. La deuxième question, c'était quoi? Considérez-vous que le dopage soit une maladie? Ça pourrait venir à une maladie. Exactement, oui. Françoise. Attendez, chacun à votre tour. Christian. C'est une maladie. Dans quel sens? C'est un vif. C'est quelque chose de pas normal. Comme la cigarette. La cigarette, ça devrait pas être supprimée. D'ailleurs, dans les lieux publics, on fume pas. Dans le métro, on fume pas. On baisse pas non plus. Et on non, mais... top, ça. Et moi, je fume pas et je bois pas. D'accord. Attends, Christian. Oui. Tu vas me dire que ça par rapport à la question et ça. Oui. Alors donc, tu bois pas, tu fumes pas. Oui. Mais alors moi, je vais te poser une question. C'est bête parce que tu baises. Ouais. Voilà. Il est une heure quarante-cinq du matin. Oui. Donc si tu bois pas, tu fumes pas, tu baises pas. Si. J'ai une bonne copine qui habite dans le 7e. Tous les week-ends, je suis avec elle. Ah, voilà. Voilà. Donc alors Christian, petit beurre. Commence à m'énerver celui qui avait dans une cabine. Ah, c'est pas moi, hein. C'est pas moi non plus. C'est petit beurre. Tu m'écoutes? Oui. Je voulais te demander, moi tu dis que c'est une maladie, mais le préservatif ça protège du dopage ou pas? Alors attends, là je vais te dire une chose que là je crois que tu confonds avec sida et dopage. Alors si tu confonds là-dessus, c'est pas la peine qu'on insiste avec toi. Bah, tu peux donner la différence? Tu peux expliquer la question alors? Considérez-vous que le dopage... Ça veut dire quoi, considérer? Attends, t'as 20 ans, t'as pas été à l'école? Bah, 17 ans CM2, j'ai arrêté, donc... Ah ouais, 17 ans CM2, t'as arrêté. Alors, tu vas aller voir Fildar au standard. Ça veut dire quoi, considérer? Va voir Fildar au standard, il va t'expliquer ce que ça veut dire, considérer. Mais je sais pas, il est pas aussi intelligent que toi, et c'est à toi de m'expliquer. Mais attends, en ayant des cons comme toi, ça me suffit. Rien qu'avoir un con comme toi, ça m'a suffi. Françoise. J'ai répondu, hein. Briquet. Oui. Pour toi. Non, pour moi, c'est plus un handicap, tu vois. Olivier, s'il te plaît. Merci. Olive. Non, mais Olivier, tu vas pas commencer comme ça, parce que sinon, je vais... Je me suis trompé de bouton. Oui, ben, dans ce cas-là, tu... Ça te vaut rien, les vacances, Olive. Ouais, je crois pas, hein. Donc, Briquet, donc, pour toi. Pour moi, Olivier a une très belle voix, et le dopage, c'est... plus un handicap, une maladie, tu vois. Bon, alors, moi, si je te repose une question, dans quel sens? Et tu vas peut-être pouvoir me répondre, si en tu général, veux. En général, ils vont en avant, mais bon, dans quel sens? C'est difficile à répondre, ta question, là. Parce qu'en fait, la maladie provoque, en fait, le diagnostic. Mm-hmm. Le handicap, c'est pas du tout pareil. Ouais, mais il y a déjà vois... des antécédents, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, mm-hmm. C'est sûr. Et tu peux pas aller outre ces antécédents par le diagnostic médical ou autre. Ouais, mais ça de toute manière, qui c'est qui se marre comme une perdue? Non, mais comprends pas ce que je dis pour ça. Non, mais je pense que... Bon, petit beurre, c'est très simple. Considérer, ça veut dire en fait que des fois tu peux être con et des fois tu peux être sidéré. Non, mais attends, Gérard, il peut avoir une idée. Je trouve qu'ils veulent arriver tous le premier. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Philippe? Là, non, mais ça sert... Fildar, qu'est-ce que ça veut dire? Tenir les micros quand je parle, d'accord? Mais il y a Fildar qui passe des coups de téléphone perso, là. Non, mais de toute manière, je pense qu'on va poser la quatrième, on va se faire une petite pause parce que ça va pas aller. Donc, on va. Suzon, tu veux. Oui, alors moi, je dirais qu'il y a pire que le dopage, comme l'ecstasy, la coke, l'héroïne, le. Non, mais attends, considérez-vous que le dopage est soit une maladie. Je considère que le dopage est, fait partie d'une drogue douce. Voilà. Est-ce que c'est une maladie? Maladie, oui, c'est une maladie. Parce qu'en fin de carrière sportive, ils arrêtent à mon avis. Non mais attends, de toute manière, si le mec il a envie de se droguer jusqu'au bout, il ira, ok? Mais ça sert à rien puisqu'il fera. S'il a envie de se doper jusqu'au bout, il ira. Oui, donc ça sert à ça. Non, mais je vais pas m'éterniser là-dessus, ok? Non mais t'as pas compris, Gérard. Non, bah bien sûr, je comprends pas, je suis un con, c'est ça? Non, pas du tout, j'ai pas dit ça. C'est toi qui l'as dit. Hein? Donc le disque, c'est quoi, monsieur Olivier? Il y a une question sur Minitel d'abord. Il y a une question sur Minitel d'Alinéa. Gérard, tout naze, a envie de répondre. Alinéa, 64 ans. Gérard, j'ai envie de toi. Et est-ce que les cotons-tiges dopent? Merde. Elle va se faire. Quel âge? 64. C'est comment son nom? 21. Non, mais son nom. Tiens, je vais te mettre 21 coups de pompe dans le cul, toi, tu vas voir. Ça va te faire tout drôle. D'accord. Alors, t'envoies la musique et... J'ai pas calé, il faut que tu fasses une autre question. Non, tu j'ai, dois... J'ai calé que dalle. Oh bah, tu cales et tu te mains le cul. Ok. Ça demande à Tounaz, il a pas répondu. Tounaz, voilà. Pour Tounaz. Ouais, donc moi, le dopage, c'est plutôt une maladie, parce qu'on sait que dopage vient du latin d'opium. Et donc, d'opium, si on recherche bien dans le dictionnaire Vidal des médecins assermentés, par la médecine de justice vaccinale, ouais. On peut déterminer que le dopage est une maladie. Ouais. Du latin d'opium. Ouais. Ah ouais. Tu crois que les médecins ils vont trouver non, mais un. Je ne cherche pas. J'ai fait un BEP de dopage. Un BEP de dopage. T'as pas fait un non, mais tout à fait. Dans une école qui s'appelle Shit High School. Ouais. Et t'as pas fait. T'as pas fait des études de dopage dans le bois de Boulogne? Et aller au bois de Boulogne, oui, c'est vrai. Ah, tu l'as fait dans la dope, non? Bon, ouais, une maladie. Donc, qui c'est qui a pas répondu? Petit beurre, il est encore là, lui? Françoise, ça pourrait venir une maladie. Bah, Gérard, t'as pas répondu, on voudrait ta réponse. Ah non, mais moi, je peux vous dire une chose, que là-dessus, c'est pas moi... Là-dessus, moi, j'ai jamais pris de produit, donc... Non, c'est... mais qu'est-ce que t'en penses de la question? Ah non, mais même, moi, je peux vous dire une chose, que ça, c'est un truc... Est-ce que tu la considères comme une maladie, la dope? Bah ça, chacun voit midi à sa porte. Hein. Et tu la vois à quelle heure? Non, mais chacun voit midi... Oui, voit pour toi, c'est une maladie ou pas? Non, mais personnellement, pour moi, oui, c'est une maladie. D'accord. Maintenant, si la personne a envie de terminer ses jours avec ça, c'est son problème, ce n'est plus le mien. C'est exactement, ouais, Gérard. D'accord, hein? Gérard. Moi, là-dessus, je sais que je... Tu as raison, Gérard. J'aurais pas touché à ça. Gérard, ouais, à la place de Petit Beurre, on a Petit Lu qui aimerait répondre à la question. Bonsoir, c'est Petit Lu. Bonsoir, Petit Lu. Bonsoir, Petit Lu. Bonsoir, Petit Lu. Bonsoir, GG. Bonsoir, tout le monde. Salut, Petit Lu. Ouais, moi, je voulais dire qu'en fait, le dopage, c'est plutôt une philosophie. Mm-hmm. C'est plutôt un état d'esprit, tu vois, un dogme, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais attends, on n'est pas là pour faire des cours de. Mais je fais pas. On n'est pas là pour ça. Je fais pas. Non, laisse tomber, on n'est pas là pour ça. D'un mouvement philosophique que vous avez. Non, attends. Tes conseils de philosophie et tout ça, je m'en bats les. Hein. Les couilles. Ouais, voilà. Non, tout à fait. Les cacahuètes. T'as bien tort. Donc, troisième question, Gérard. Non, pose la question, Gérard, et après. Juste pour finir la question, hein, quand même, il y a donc Sandy, 80 kilos, qui voudrait dire sur Minitel. Le dopage. Attendez, là, le bulldog, tu me le dégages. Hop! Terminé, je veux pas le savoir. Mais c'est qui? Je veux pas le savoir. Mais il a pas dit bulldog. Il a dit Pékinois, ah voilà, c'est pas pareil. Terminé. Sandy est très gentil. Voilà. Donc, je sais pas. Tant pis pour Minitel. Gérard. Oui. Tu pourrais m'envoyer un CD? Attends, ça tu demandes à Pildar tout à l'heure. Donc on va s'écouter les petits pois carottes avec un stéridé, où je pense. De Gérard. Et donc vous venez écouter des petits pois carottes avec Stéril, où je pense. Donc il est 1h56, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000 et toujours le 3615 code Fun Radio, rubrique direct, et bien sûr l'internet. Donc comme il n'y a personne pour me dire Ouais, ça marche. Donc, alors, je sais qu'il y a pas... Il y a, comme je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent et qui nous ont écrit, merci. Et qui écrivent, si vous voulez nous écrire, c'est toujours au 143 Avenue Charles de Gaulle, 92 521 Neuilly-sur-Seine-Sedex. Et donc on va saluer aussi les Anglais, good afternoon, espagnol, chupamela, cha cha. Attends, attends, l'espagnol, comment tu dis donc bonjour en espagnol? Chupamela. Chupamela, pizza. Et en italien, je pisna. Voilà. Et en allemand, en italien, c'est buenos dias. En allemand, et en allemand, c'est un culo. Da en Ouzbékistan. Et en chinois, c'est tutti tout. Et en breton, et en breton, c'est kenavo. Kenavo, voilà. Et en on grec. Récupère Christian. Oui. Petit lu. Oui. Oui, alors attendez, attendez, il y a quelqu'un qui veut parler là. Qui veut parler 5 minutes? Oui, donc bonjour à tous. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Salut, Sandrine. Le mariage s'est bien passé? Non, mais attends, là, je voudrais d'abord parler à Françoise, si elle est là. Non, elle est plus là. Je suis là, Sandy. Donc, tu vois, je voulais te dire quelque chose très gentiment. Oui, c'est que c'est pas la peine de me traiter de bulldog et de dire que c'est vrai que c'est que moi, que moi je suis un bulldog. Non, non. Et de toute façon, bulldog, c'est pas moi qui te l'a donné, c'est Max. Hein. Oui, mais c'est pas la peine de dire que c'est vrai. Elle l'a pas dit. J'ai jamais dit ça. Non, t'as jamais dit ça. Il y a quelqu'un qui t'a demandé et toi, t'as dit oui, c'est vrai. N'importe c'est Sandy. Si tu crois tout le monde, toi. C'est toi qui l'as dit. François, tu te calmes, s'il te plaît, d'accord? Alors moi, je suis gentille avec toi et tu te calmes avec moi. Je t'ai jamais traité de bulldog. Non, mais tu l'as dit tout à l'heure, en tout cas. Hein. De quoi j'ai dit? T'as dit que c'était vrai que j'étais un bulldog. On m'a demandé c'était qui qu'on appelait bulldog, j'ai dit Sandy. Non, mais moi, je te dis... J'ai un peu du mal à gérer, là. Moi, je te dis, tu te calmes. Parce que sinon, c'est moi qui va te calmer, ça va pas être Gérard. Ouais, c'est ça. Bon, tu fais peur, Sandy? Comment? Tu crois que tu fais peur? C'est bon. Ah bah terminé. Tu me fais pas peur non plus, hein. Tout ça, c'est l'OPO, de toute façon. Allez, hop, terminé. Voilà, les histoires sont réglées, donc on récupère Christian. Sandy. Oui, Sandy, elle est toujours là, t'écoute. Tu es gentille. Voilà. Tu es mignonne et toute belle. Voilà. J'aimerais merci. Bien que tu m'envoies une photo de toi et Gérard. D'accord, on n'hésitera pas, Christian. Donc, voilà. On te récupère toi. Ouais. On récupère Petit Lu. Oui, salut, toi. Re-salut. Salut. Briquet. Oui, salut. Tout naze. Ah non, là, qui c'est qui s'amuse avec un téléphone portable? Ah, tout naze. C'est tout naze, ça. Donc, tout naze. Il est plus là, on le rappelle. D'accord. Susan. Oui, c'est moi. Donc, voilà. Donc, alors, la quatrième. Sandy? Non, elle n'est pas là, Sandy. Tu es belle, tu es mignonne. Est-ce que je peux avoir une photo de toi et Gérard? On t'aime. C'est qui? C'est Susan. Non mais Olivier, ça t'amuse là? De quoi? C'est trop beau, Olivier, laisse-le. L'instant est magique. Oh, elle est belle, la musique. J'ai rien fait. Les oiseaux chantent et quoi? Les fleurs fleurissent. Tu vois bien les boutons, j'ai rien appuyé, j'ai appuyé sur aucun bouton. Ah ouais, ça on voit bien les boutons, ouais. Ouais, bah ça c'est clair. Ouais, c'est clair. Bon, non mais c'est pas grave. Donc alors, peut-on se laver? Peut-on se servir du dopage pour se laver? Donc on va demander à Susan. Oui, alors moi je m'en sers souvent parce que je trouve que ça a un parfum vraiment... ça sent très bon. Et j'aime bien le rose, le bleu, le vert et le jaune. C'est les meilleurs parce que le noir, le blanc et le marron, ça pue, je trouve. Hein. D'accord. Tout naze est revenu, hein, excusez-moi. Tout naze. Ouais, bonsoir Gérard. Ça sent bon aussi. Ouais d'accord. Donc alors, t'as entendu la question? Non, parce que je viens d'arriver, là, il y a eu un petit problème de phone. Ouais, t'étais avec un portable? Non, je le rappelais, parce que là, ça a coupé. Ouais, donc il était dans une cabine? Hein? Non, il était chez lui, mais il a tiré le fil et ça a débranché. Dans mes toilettes. Ah, d'accord. Vas-y, fais toilette, alors il doit se branler. Ouais, d'accord, Christian. Non, mais c'est bon, Christian. Ouais, Christian, on se calme. Donc, alors, pour tout naze... Il y a un portable qui sonne, là. Attendez. Oh là. Voilà. Là, ça commence à bien faire. Olivier! Oui. Où? Où? Retire cette musique. Gérard est un temps portable. Bah, viens voir, il n'y a aucun bouton allumé. Un peu de professionnalisme, Gérard. C'est lequel? Non, mais c'est bien. Alors là, il y en a un qui a un portable qui sonne, on ne sait pas qui c'est. Bah, c'est pas moi. Ego. C'est pas ton tatou, Gérard? C'est ta tribu. Non, c'est ta montre. Tu vois, c'était ta montre. Bah voilà, appuie dessus, ça s'arrête, je suis sûr. Non, à ce moment, ma montre. Tiens, tu mets ta montre juste devant et ça sonne. Game over. Gérard, c'est Tounaz, la question. Tout à l'heure, il y en a deux au standard qui vont se prendre des claques. Encore ? Je le sens. Je le sens venir. Bah, nous aussi, on le sent bien. Ouais. Oh là là. Le débat se poursuit pas, là. Donc, alors, pour Tounaz, peut-on se laver ? Peut-on se servir du dopage pour se laver ? Tout à fait. Ouais, dans quel sens ? Vers l'arrière. Ouais, d'accord. Plutôt vers l'avant, je dirais, parce que moi, j'ai une brosse à dents super dopage. Ouais. Fois 3. Ouais. Tu peux prendre du dopage avec du Colgate, hein, ou de l'Aqua Fresh 3, ça... Ouais, ben bah, d'accord. Alors, Tounaz. Non, mais attends, Tounaz. Quoi ? Tounaz, tu retournes voir Manu, il va t'expliquer comment ça se... Tu retournes voir Manu au standard. Écoute. Oh, standard, merci. Briquet. Oui. Moi, je préfère les petits dopes. Hein ? Moi, je préfère les petits dopes. Tu préfères les petits dopes. Alors, Briquet, c'est pareil, tu retournes voir... Ça veut dire quoi, les petits dopes ? Oui. On n'a pas besoin de s'amuser à citer de merde. Mais non, c'est le contraire de la grosse dope. Moi, je prends les grosses, toi les petites, c'est ça ? Voilà. Ah ouais, mais de toute manière, t'en as qui ont des grosses et t'en as d'autres qui ont des petites. Ouais, toi, t'es une grosse. Et toi, t'as quoi, Gérard ? Moi, si je vais aller... Parce qu'au lieu de... Au lieu de commencer sur le dopage, on aurait dû commencer sur le fantasme. Ah ouais, je pense que là, on va s'amuser. Ouais. On va s'amuser. Et comment ? Ouais, les comment, là, toi, tu vas te calmer. Donc, continue. Allô ? Oui, maman ? Non, je t'ai dit de plus m'appeler à Manu. Ce numéro. Manu ! Manu, qu'est-ce que tu fais ? Manu, qu'est-ce que tu fais ? Oh là là ! Ça suffit. Il appelle sa mère. Ouais, oui. Gérard, petit Lu. Gérard, reprends un peu en main ton débat, là. Petit Lu, moi, je pense qu'il faut prendre le problème déjà à l'endroit. Pour se laver avec du dopage, il faut se laver. D'accord. Merci pour la chèvre. Christian. Oui. Moi, je veux prendre du shampoing. Ah, voilà. Bah ouais, mais justement... c'est la question numéro 6, donc c'est bête. Et voilà. Super les questions. Si ça vous plaît pas, c'est les vacances. Si ça vous plaît pas, vous mettez de la musique toute la nuit. Mais j'ai rien dit, moi. Génial ton truc. Alors tu. On débat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est génial. Tu fermes ta. Les questions sont super. Tu la fermes. Mais les questions sont pensées. Tu la fermes. Ok. C'est génial. Je vais répéter la question à Gérard, on t'a pas bien entendu. Vous les entendez bien, vous les auditeurs ? C'est Spaceman, c'est le chef. Qui est là-haut ? Non, c'est Spaceman. Ouais, c'est Spaceman. Ouais, ça c'est Spaceman. Et puis, Gérard, se sert-on du dopage pour faire des plats cuisinés ? Ah, c'est dommage. Non. C'est qui ? Alors, ceux qui dorment, ils vont dégager. Mais c'est quoi c'est alors la question était se sert-on du dopage pour cuisiner, c'est ça? Voilà, alors moi je ne cuisine pas avec du dopage parce que c'est dégueulasse. Ouais. Ça pue, ouais. C'est une sale odeur, c'est un sale goût. Et dis-moi qui se sert du dopage pour cuisiner, hein. Vraiment une question vraiment intelligente. Hein. Ouais, super. Maïté, attends, c'est pas marqué Bécasse, hein. Non mais c'est pas marqué Bécasse. Attends, toi là-bas. Roger, je te copie. Bon, il y a un truc là, il y a une radio, il y a des radios. Ça commence à bien faire. Tango, Charlie, Alpha, Roger. Ouais. Je suis 5 sur 5. Attends, ça s'est arrêté, je crois. Ouais, ça s'est arrêté. C'est bon, vas-y. Vous foutez pas un peu de moi là au standard là, ça se voit que c'est les vacances pour toute la merde. T'es parti en vacances toi, GG ? Non. T'as mis le maillot brésilien sur la plage ? Le maillot brésilien, tu vois, les Brésiliens, ils ont pas été capables de battre la France, d'accord ? Et t'as pas été à Fleury-Mérogis, plage ? Oh, t'as pas dit ça, Gérard, quand même. Chercher du travail, hein ? Bon, on retourne le débat. Alors, Christian, pour toi ? Oui. Bon, là, ça commence à bien faire. Lionel, attends. Gérard, poursuis ton débat, s'il te plaît. Donc, Christian. Oui. Je t'écoute. Qu'est-ce que t'as touché là? Les Français parlent tôt français. Bon, reprends, c'est bon. Christian, réponds à la question. Christian. Oui. Donc pour toi. Oui. Bon, ça commence à bien faire au standard, s'il vous plaît. Écoute, Gérard. Donc, Christian, pour se sert-on du dopage pour faire des plats cuisinés? Non, moi je fais la cuisine très bien. D'accord. Je mange du lapin au vin rouge. De la moule. Je mange du poisson au vin rouge. Non. Et de la moule au vin rouge. Et attends, Christian. Christian. Des moules frites. Au et Christian. Rouge. Christian. Oui. Et en principe, des moules frites, c'est pas avec du vin rouge, c'est avec du vin blanc. Ah, connaisseur. Je sais, j'allais le dire. Ben, seul vin rouge, en principe, tu fais un coq au vin rouge. Oui, un coq, vous allez le dire, un coq au vin rouge. Et le lapin, c'est pas au vin rouge, c'est à la moutarde. Oui, on peut le faire aussi, à la moutarde, à la rigueur. Il faudrait que tu nous invites, Gérard. Ouais. Ah non, mais moi, alors là, je suis un très mauvais cuisinier, donc... C'est pas moi qui va vous inviter à manger. Hein. Bah, c'est Sandy, alors. Gérard, Sandy, elle cuisine bien ou pas? Ah, ben ça, faudra lui poser la question. Mais non, mais c'est toi qui mange tes plats, donc je te demande à toi. Ah non, mais moi. Tu peux poser une question à Sandy? Ah, ben elle est pas là, alors malheureusement. Mais elle écoute. Très belle et très gentille. Ouais, d'accord, ça on le sait. Gérard, fais attention, Christophe, il va la sauter. Hein. Non. Il a Sandy, là. C'est un pervers. Non. Fais attention, Gérard. Non. Tu vas pas voler. Je ferai pas ça. Eh, c'est quoi là? Qui c'est qui bouffe là? Bon, question suivante. Non, il n'y a pas de question suivante. On va demander à Petit Lu. C'est Petit Lu qui mange. Ah non, il parlait en même temps. Mais non, moi, je peux pas être en train de parler, en train de manger, ça s'entend. Donc, se sert-on du topage pour faire des plats cuisinés? Ah, je sais pas, moi, je suis végétarien. D'accord, ah bah alors comme ça... Mais attends, c'est clair et net, il est végétarien. Bah, je mange pas de PO, si ça te dérange pas. C'est moi qui fais le débat, Gérard. Attends, c'est toi qui fais le débat depuis quand? C'est quoi, depuis quand que tu fais le débat, toi? Toi, tu feras le débat quand je t'appellerai Potchamp, tu sortiras de sous ta console. Déjà, tu as m'étonné tes... Tu as pas commencé Roger, à faire ton Roger, bordel, là. Roger. Ok. Briquet. Roger. Moi, j'ai fortement le dopage. Je conseille rien fait. Le sel et le sucre. Bonjour. C'est beaucoup meilleur. Oui. Le sel et le sucre? Dans... Moi je bosse plus dans des éditions comme ça. Gérard vient de lancer un magazine à la tête de l'église. Vous engueulez pas les mecs. J'y peux rien, c'est les problèmes techniques. Attends, s'il y a des problèmes techniques. Oh là là. Bon bah entre temps on accueille Tu Dégages à la place de Tounas. Ouais, bien sûr, tu vas me reprendre encore des mêmes avec d'autres noms. Et c'est pas là, ce bordel. Mais ça vient du standard, regarde, quand on le bouge, ça s'arrête, regarde. Bouge. Attends. Non mais Gérard. Tiens. Quoi? Gérard, c'est Susan. Faut le tenir. Gérard, bonjour. Gérard. Okay. Bonjour. Max enchaîne. Tu prends l'air tout à l'heure, sinon j'ai... Gérard, c'est comme au bon vieux temps. Hein. Bon, alors tu dégages. Gérard, si tu dégages. Ouais, bah tu dégages. Tu restes à l'antenne, Gérard. Allez hop, Gérard, tu dégages, tu réponds à la question ou tu vas dégager pour de bon maintenant. Ouais, alors donc, moi je crois que la cuisine c'est pas une bonne idée, quoi, avec le dopage, si tu veux. Mm-hmm. Ouais. Parce que bon, moi je dis que bon, moi je suis végétarien déjà d'une. Mm-hmm. Ah, bienvenue. Et donc, dans les plats cuisinés, bon, si tu mets un peu de dope, c'est sûr que tu vas partir en extasie totale, mon gars. Mm-hmm. Ouais, donc, je suis pas ton gars déjà pour commencer. Bon, alors Gérard, mon petit GG. Non, ah, je suis pas ton petit GG. Bon, alors GG tout court. Ma puce, hein. Bon alors Gérard, ouais donc le dopage dans la cuisine c'est pas une bonne idée. Mieux dans la salle de bain. Ouais apparemment dans la salle de bain ça peut être plutôt sympa quand tu prends ta douche. Moi je prends déjà des bains avec Gérard. Ouais mais tu peux mettre du dopage pour faire mousser. Bon tu gères par exemple ouais. Gérard, t'avais les cheveux. Ouais. Non c'est toi Olivier là avec ton casque. Gérard. C'est toi Olivier alors, t'arrêtes un peu. Gérard, faut que tu gères ton débat un petit peu. Ouais, gère un peu le bordel. Gérard, c'est Susson. Ouais. Est-ce que Sandy a mis du dopage dans la cuisine? Oh. Alors là, tu fais une chose. Tu peux la faire dégager, elle. Et attends, c'est la question. Attends, qui c'est qui a dit ça? C'est, je sais pas, tu tapes là, ou tu dégages. Non, c'est Francine. Ah, c'est Francine? Ouais, c'est Pierre. Ah ouais, ben là je pense que si vous cherchez la petite bête... Vous allez avoir la grosse bête tout à l'heure encore qui va venir. Et ça va morfler pour celui qui dit des conneries sur elle. Parce que je l'ai dit, pas de Sandy. Mais attends, c'est toi qui viens de dire la grosse bête en parlant de Sandy. Donc tu vois, attends. Voilà. Ouais, non, mais attends. Je suis pas une grosse bête. Allô? Ouais. Allô? Allô? Allô? Allô, Gérard? Allô? Allô? Allô, Gérard? Oh là. Allô? Oh là là, on entend plus Gérard, là, Gérard? reprends là, Gigi. J'ai parti boire un café. Donc, alors, septième question, faites-vous. Allô oh hey. Oui. Bon, faites-vous du dopage. Prendriez-vous un dopage comme marque de shampoing? Oula, j'ai rien compris la question. Prendriez-vous un... Oseriez-vous? Ça veut dire quoi, prendriez-vous le dopage comme marque de shampoing? Prendriez-vous? Alors la question, alors, c'est prendriez-vous? Ouais, donc, tu dégages pour l'instant. Ouais. Tu dégages, super âme, ta Attends, Gérard, laisse-moi. Tu la fermes, c'est moi qui commande. Ok, alors, le king des sirènes. Ok, alors. Alors tu commences par te taire. D'accord. Donc je répète la question. Oui. Prendriez-vous le dopage comme une marque de shampoing? Oui. Voilà. Alors on va demander à Christian parce que tu dégages. Je vais la fermer parce que tout à l'heure tu as dégagé. Moi non, on ne prend pas de shampoing comme dopage. Mais attends, tout à l'heure... Attends, qui n'a pas compris? C'est quoi? Prendriez-vous? Prendriez, ça veut dire quoi prendriez? Ah, prendriez-vous. Attends, allez, si on prend ta... Prendriez-vous? Si on prend ta femme à la place d'un shampoing, qu'est-ce que tu vas dire? Oh, je veux pas que vous prendriez ma femme. Ok. Alors, Christian, tout à l'heure, tu as bien dit sur la question numéro 4, peut-on se servir de dopage pour se laver? Tu m'as dit non, tu prenais du shampoing. Donc maintenant, si je te dis, prendriez-vous le dopage comme une marque de shampoing, tu me réponds non. Donc, tu te laves pas la tête, alors. Une marque, c'est une marque très haute. Je prends à la pêche pour me laver les cheveux. Ouais, d'accord. Non, mais oui, d'accord. Oh, c'est franchement tout naze. Bon, alors, toi, tout naze. Toi, t'es tout naze. Comme tu comprends pas. Non, non, mais attends. Si tu dégages, pas tout naze. Alors, tu dégages si tu comprends rien. Non, mais c'est pas moi qui ai dit ça, hier. Non. Non, mais c'est tout naze, c'est bizarre. Apparemment, il repasse sur les lignes, faut vérifier. Non, mais attends, là, va falloir peut-être faire quelque chose. Mais regarde, Fildar, il se balade, là. Bon, hey, Fildar, tu vas bosser, là, ou quoi? Tu reprends un peu ton débat en main, là. Hein? Parce que là, il y en a... Quoi? T'as un problème? Tu me mets encore... Huitième, déjà? Première question. Non, c'est la septième. On va tout recommencer. Donc, prendriez-vous le dopage comme marque de shampoing? Donc, on... Eh putain, celui qui rigole derrière. Mais non, Gérard, allez. Bon, alors maintenant, vous répondez. Maintenant, je répète d'accord, plus la question. D'accord, Susan répond. Alors, je ne prendrai pas le dopage comme marque de shampoing parce que dope, ça pourrait être... tu pues, quoi. Parce ouais. que quand on dit, ouais, tu dopes, tu pues, ça, tu vois. Donc, c'est, j'aurais une entreprise, j'aurais un produit, j'aurais pas pris ce nom-là parce que je trouve qu'il est moche, quoi. Et puis, en plus, ça peut être la doper la cam, la drogue ou doper ouais, tu non, pues, mais... quoi. Ouais, ok. Donc c'est moche, voilà. D'accord. Donc on va demander à Tounas, s'il est encore là. Non, il est pas là. C'est tu dégages. Ah, c'est tu dégages. Ouais, donc moi je prends du dopage LCF de L'Oréal. Problème des cheveux, ça rend le cuir chevelu vachement propre, quoi. Ouais, ben, tu vois, tu dégages. Là, je crois que mais tu non. Non, non, mais Gérard, non, mais attends, tu dégages. Mais Gérard, je t'aime. Bon, alors, tu dégages. Alex, ce coup-là, il dégage pour demain. Mais non, il est là, hein, pourquoi tu l'appelles? La question. Non, non, mais attends, il répond à la question, il n'a pas donné de marque. Hop. Gérard. Oui. Bon, alors, je prends du shampoing tout court. Gérard, tu dis pas tu dégages. Voilà, bah, tu dégages. Il est là. Final à la ligne. Non, pas tu dégages. Il est là, Gérard. Il va pas nous faire chier jusqu'au bout. Bon, voilà. Allez, enchaîne. Donc, on va demander à Briquet. Oui. Moi, donc, pour toi. Moi, je prends du petit dop, âge 20-25. Avec âge 20-25. Ouais. Bon, Briquet, tu dégages? Briquet, bah oui. Mais non, c'est du petit dop, âge. Ah, d'accord. Petit dop, âge 20-25. Elle a raison. Ah, d'accord. Troisième. Ok. Petit Lu. Ouais, bah écoute, ouais, moi je prendrais bien du dopage pour me laver les cheveux. Encore faudrait-il que je me lave les cheveux. Ok, alors Christian? Oui, bah moi je prends de... Prendrais. Du mousson, de quelque chose de liquide. D'huile de vidange. D'accord. Moi je peux vous dire une chose que je citerai pas de nom, mais il y a des shampoings qui rendent facilement les cheveux brillants. Quoi, Garnier, L'Oréal? Elf, Motul, Antares. Merde. Yana, tout à l'heure, tu vas... Oui. Le débat. Oui, Christian. Javel. Oui. Javel WC. Non, pas du Javel. Donc, faites-vous du dopage en boîte de nuit ou autre. Gérard, je voudrais juste que tu nous parles d'un truc quand même. C'est qu'est-ce qui peut arriver si en boîte de nuit, si je vais en boîte de nuit, j'en prends, et si je me fais arrêter par les flics? Attendez, laissez répondre à Gérard. Non, mais ça... Il nous en a parlé tout à l'heure, et qu'est-ce qui peut arriver? Non, mais ça... Non, mais tu peux tous les laisser. toi tu viens pas trop peur parce que tout à l'heure je vais t'assommer. Donc ça c'est la question que tu viens de me dire, ça c'est à tes risques et périls. Maintenant si tu te fais piquer avec des trucs dans ta bagnole, avec quoi aller, avec l'OPO, ouais. C'est ton problème, c'est à tes risques et périls. D'accord. Maintenant c'est à toi de voir si tu veux en prendre pour aller en boîte de nuit, c'est ton problème. Mais si les videurs veulent te laisser entrer, ils ont le droit. D'accord. Mais ça t'intéresse qui est péril. Oui, il y a une question. Ouais, Gérard, il y a un certain Manu sur l'IRC qui demande pourquoi le dopage en mer est interdit. Alors là, là, tu peux lui répondre que sur le dopage en mer, je peux pas te savoir, donc faudrait. Tu lui réponds quoi ? Non, mais ça n'a rien à voir. Ça là-dessus, moi. Là, je peux rien dire. Ok. Voilà. D'accord. Donc alors, donc, faites-vous du dopage. Merci. Faites-vous du dopage en boîte de nuit ou autre. Donc Gérard, merci Manu. Avant, au revoir, salut. Non. Pas au revoir. Quand t'accouches. Avant que t'interroges les auditeurs. Bon, à la base de tu dégages, il y a je comprends rien. Ouais, bah attends. Ouais, Manu, oui. Je vais te dire une chose. Quoi? Ouais, que là, dis-lui, attends. Non, stop. Dis-lui devant ton micro la chose, parce qu'on comprend rien. Attends. Vas-y, je t'écoute. Et l'autre, il comprend rien. Là, à mon avis. T'as repris le mais même c'est son nom. C'est non, habitués. Non, c'est des habitués. Il y a 24 lignes qui sonnent. Les mecs, ils vont participer au débat. Ils vont prendre des gens au standard. C'est des habituels. Mais non. C'est des habituels encore, ça. Alors, il y a au lieu d'envoyer des sons, Olive. Hein. Tu prends des gens au standard et vite paye. Voilà, encore rien. Ok. Ouais. Ok. Sinon, je te fais avaler ta clope par les narines. D'accord. Ouais, je comprends rien, Gérard. T'es Godzilla. Alors, tu as Godzilla qui est là encore, elle. Mais elle est pas là, on disait c'est Godzilla. Bon, Christian. Assis-toi, Gérard, le départ. Oh là là là là là. C'est bon, c'est reparti. Allez, ça roule. Allez, Christian. Là, c'est bon. Non, non, mais là, c'est bon. Allez, t'as un bébé, on y va, là. Gérard, on balance pas les magazines. Arrêtez, on se calme. Oh, merde. Gérard. Non, mais pas de double voix. Gérard, je comprends rien. Et toi, tu me prends des gens en standard autrement. Mais pour une fois, il y a 24 lignes qui sonnent. Non, mais là, ils prennent personne. Alors, il y a tout naze, tu me le prends, après c'est tu dégages, et maintenant c'est qui? Bah c'est je comprends rien. Ouais, je comprends rien, tu l'as fait changer pour un autre nom. Mais non. Non, allez hop, tu me gardes, Christian, tu me reprends d'autres personnes. Je comprends rien, j'ai fait de Toulouse. Et puis lui, j'ai rien fait. J'ai rien, tu me reprends. J'ai 24 lignes qui sonnent, tu me prends du monde. Et tu te pèles le cul. Gérard, il y a. Attends, Gérard. Je t'ai mal entendu, Gérard. Oh là. Tu te mènes, tu me prends les gens en standard. C'est fini les vacances. Ok, d'accord. C'est terminé les vacances. Gérard, il okay. y a Spirit sur IRC qui se demande. En fait, il dit que tu devrais arrêter de te doper au lieu de faire un débat sur le dopage. Allô ah, lui, s'il n'est pas content, il raccroche. Voilà. Ok. Voilà. Okay. Allez, on va se mettre. On reprend. Non. Tout le monde a répondu là ou pas? Non, on n'a pas répondu. Bah, on finit et après on mettra un disque, Gérard. On finit. Donc, alors pour toi, Christian. Oui. Donc, faites-vous du dopage en boîte de nuit ou autre? Moi, quand je vais quelque part en danser, c'est l'après-midi, mais je ne prends rien du tout quand je danse. D'accord. Potilu? Oui, professeur Potilu, je tiens à dénoncer. En fait, en boîte de nuit, tout le monde est dopé. Et toi le premier, Gérard. Alors toi tu dégages. C'est comme ça tu vas tout de suite comprendre ta douleur. Non, je dénonce. Non mais Gérard a raison. Ça c'est suffit. Non, allez, terminé. OK, il dégage. Là, d'accord. Voilà, terminé. Briquet. Voilà, il gère son débat. Ouais, Briquet. Ouais. Non, moi je fais pas du dopage, je fais plutôt du slow, du rock, du nerf des fois. C'est n'importe quoi. Allez, cette réponse. Allez. Ouais. Allez, dehors. Dire, allez. Ça va vite. Là, on va mettre un disque. Non, mais voilà, on prend une. Hop. Il travaillera en 4 lignes. Dégage. Ouais. À la place de tout naze, tu dégages. Ouais, je comprends rien, Gérard. Ouais, je comprends rien, alors vas-y. Ouais, donc le dopage. Moi, je suis actuellement président d'une association qui s'appelle l'ADDL. Ouais, bah l'ADDL, tu vas dégager. Allez, hop. Bonne nuit. Mais allez, Suzon. Allez, ça suffit maintenant. Terminé. Ça y est, parti. Suzon. Alors moi, quand je vais en boîte de dopage, je danse, je m'éclate sur la techno avec un verre d'alcool, c'est tout. Ah voilà. Oh. Ah bah voilà. Donc, on fait une bonne réponse. On a deux personnes. Non, une. On a deux, non. Christian et Suzon qui vont rester. Ouais. Les autres, je n'en veux plus. Ouais, bravo. Voilà. Christian. Oui. À moins que tu veuilles nous quitter là et. T'es fatigué, Christian? Non, t'es pas fatigué. Bon, tu restes. Non, parce que je pense que t'avais dit que tu ne devais pas. Si. Tu voulais pas rester longtemps. Si, je peux rester. Tu travailles demain? Demain, je commence à midi jusqu'à 14h30. Ah, bah, ça va alors. Alors donc, on va s'écouter. T'as posé la question encore? Non, donc. Encore vas-y, pose-la. Lorsque vous faites le plein dans votre voiture, mettez-vous du dopage et on va s'écouter. Gun in Rose. C'est ça? Ouais, Guns N' Roses. Voilà. Donc erreur de ma part, donc c'est pas le disque d'annoncer, donc c'est Laurent Garnier avec Crypsy Bacon, donc c'est pas Guns N' Roses. Donc c'était une faute de la part d'Olivier Olivier. De ta part. Non, c'est toi qui m'as donné ça. Sur Fun Radio. Bien. Sur, et donc il est 2h27 si vous voulez toujours nous appeler au 0803-08-5000 et toujours le 3615 code Fun Radio rubrique direct. Et on va saluer sur IRC. Wanzibar, Seigneur. Au bizarre. Seigneur, Tony, Spirit, Tom G, Jeff et bien sûr tous les autres qui sont là et qui nous écoutent. Ouais. Et donc on va accueillir Laurent Garnier, 30 ans de je sais pas où. Merci Olivier. Olivier, s'il te plaît, merci. Salut Manu, salut tout le monde. Hein. Donc Laurent Garnier, bonsoir. Ouais, mais donc Gérard, il y a un truc qui m'a pas fait plaisir, hein, si tu veux, là, c'est qu'à l'instant, c'était pas les Guns N' Roses, c'était moi-même avec Crispy Bacon. Hein. Non, mais je viens de l'annoncer. Ouais, sur la belle S-Communication, hein, je précise, hein, avec les tendances techno house, sous-tribaloacide, voire même deep core et corps de chasse, corps de. D'accord, ben je viens de l'annoncer, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, donc on va sur les BPM. Je lui dis pardon quand même, tu t'excuses. Ah non, mais c'est non, ouais, mais tu t'excuses, hein, Gérard. Si non, non, veux, mais hein. c'est Laurent, c'est pas moi, c'est. Non, c'est mais moi, je t'invite pas au récit, bah, il n'y a pas de problème. Hein. Laurent. Laurent. Oui. C'est Max. Ouais. Ça va? Ouais, ça va, hein, ça se passe plutôt bien, c'est bon esprit, hein, ce soir. Bon, ok. Tu restes pendant le débat un peu, là? Ouais, okay. Ça serait bien que tu passes un peu au Rex. Ouais, tu te la pètes un peu là en ce moment. Ouais, bah disons. D'accord, que okay. J'ai rencontré une nana. On va accueillir Moltonel. Salut connard, Gérard. Alors, salut connard, tu dégages. Voilà. Tu dégages. Non. Le connard, il t'emmerde. Hop, tu dégages. Ouais, salut, Jean. Bonne nuit. Non, c'est pas toi, Laurent Garnier. Ok. C'est Moltonel, c'est tant pis pour lui. Pépito, 22 ans de je sais pas où. Oui, bonsoir à toi et bonsoir à tous les petits gâteaux. Voilà, ben c'est pas mal. Ouais, salut Christian, tout le monde. Hein. Donc Susan, 21 ans. Oui, salut. Rebonsoir. Christian, toujours oui, là. Oui, rebonsoir. Et Zippo. Salut Gérard, salut Manu, salut Finda, salut Zippo. Olivier. Salut. Salut Zippo. Salut Laurent Garnier. Ouais, salut Jean. Alors donc, je répète la question. Lorsque vous faites le plein dans votre voiture, mettez-vous du. Attends, j'ai rien compris. T'es pas devant le micro, j'ai rien compris. Non, même là, j'ai compris là. Ben non. Et nous, on a rien entendu. Voilà. Alors, lorsque vous faites le plein... Non, mais devant le micro, Gérard. Lorsque vous faites le plein dans votre voiture, mettez-vous du dopage. Ah. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Alors, toi, tu vas te faire sauter. Mais si, c'est quand on remplit sa voiture de d'essence. Toi, tu vois, tu fais une chose, tu t'occupes de ta caméra, d'accord. Je te demande pas si dans ta caméra, tu mets du topage. Et toi, Gérard, tu t'occupes pas de fil d'art et tu t'occupes de ton débat. Donc, alors, on va demander à Zippo. Oui. Pour toi. Moi déjà j'ai pas de voiture donc je sais pas. Mais je pense que je mettrais plutôt de l'essence. Non mais attends, c'est pas parce que les gens n'ont pas de voiture au standard qu'on n'a pas le droit de les prendre. C'est un débat sur les voitures. C'est un débat sur le dopage. Mais non, c'est sur les voitures, ils prennent des gens sans voiture au standard. Mais attends, tu parles de voiture. Elle a pas de voiture donc elle peut pas mettre du dopage dans sa voiture. Non mais si j'en avais une, je mettrais de l'essence. Voilà. Moi non plus, j'ai pas de voiture, Christian. Je n'ai pas de voiture, mais si j'en avais une, je mettrais du gazole. Voilà. Tu vois, ils prennent que des gens sans voiture alors que c'est un débat sur les voitures. Mais non, on fait pas un. Susan. Alors moi j'ai une voiture, je mets du dopage Super Plan 98. D'accord. Total non, Elf. Non, bah alors. Oh, c'est pas vrai. Alors, Susan. Tu vois, j'étais trop. Mais je savais pas, excuse-moi. C'est vrai, Non, mais elle le savait pas. Maintenant, tu vas le savoir. C'est quoi là? C'est pas moi, hein, Olivier. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Olivier, tu me retires France Info, s'il te plaît, merci. D'accord. Parce que là, on a tous France Info dans les oreilles. Oh non, ça suffit. Mais ça passe sur la table, je pense. Alors, excuse-moi, Gérard, on accueille Kleenex entre temps. Salut, Gérard. À la place de Moltonel. Ça va, Gérard? Il a rajouté une épaisseur, il n'y a pas de souci. Non, mais j'espère que tu vas pas recommencer comme le premier débat, avec ton naze, dégage et puis machin. Ah, c'est pas le même, hein? Non, mais j'espère que tu vas pas t'amuser à dire au mec, ouais, à la place de ma planète, tu le fais passer pour Kleenex. Ah, non, c'est pas le même. Ok. Y a pas de souci, hein? Ouais. Donc, alors Kleenex? Ouais, bonjour Gérard. Alors, moi, je mets du dopage diesel. Ouais. Parce que c'est moins cher et voilà, quoi. Ouais, c'est ça. J'aime bien polluer. D'accord. Laurent? Ouais, salut Gigi, hein, bonjour, hein. Donc, attends, mais il y a un piratage là. Gérard? Laurence, j'écoute. Ouais, donc moi dans ma voiture, hein, je mets un carburant qui s'appelle de l'Ecstasy. Hein. Ouais. Ecstasy, parce que je viens de vacances de Color City. Hein, c'est pas de marque. Hein. Et donc, quoi dans tes platines voilà. Laurent. Ouais. Laurent. Oui. Je pense que t'as. Tu te bats de ma gueule, hein, si tu veux. Hein, j'oserais pas, hein. Donc, d'accord. Okay. Donc, moi, je mets des châssis, hein, comme carburant. Et puis, d'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui m'écoutent, hein, je recherche dans tout style de feutrine. Hein, d'accord. Laurent. Hein, Maxou, hein, si t'en as, tu m'en refiles. D'accord. Tu as demandé un pull d'art, il en a beaucoup en stock. Non, mais moi, je parle au grand DJ, pas au DJ caca. Hein. Le DJ caca, tu vas le prendre là. Il va t'avoir hors antenne, le DJ caca. Ouais, je vais l'avoir. je pense que tout le monde a répondu là. Oui. Non, Pépito. Ah, Pépito, t'as pas répondu. Bah écoute, moi j'ai un attelage de poney parce que j'habite à la campagne, donc je me déplace avec une charrue et un attelage de poney. Et tu leur mets quoi au poney? Et, bah, non, mais attendez. Attendez. Pépito, t'as un sans fil? Roger. Ouais, alors. Ok. Bonne nuit. Allez, terminé. Hop. Voilà. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ah bah bien joué. Ah bah bon, ouais. Bravo Gérard. T'as bien trouvé tout de suite. Bon ben. Je pense qu'on va passer la 10e question. À la 11e. 11e, déjà 11e. Alors ouais mais. Ça passe vite. Alors, auriez-vous des fantasmes en vous dopant? Oh là. Ah, ça c'est une question que j'aurais préféré la garder dans l'autre. Ouais, on la garde dans l'autre. Ouais, je te copie. Ouais, ben, alors on la garde dans l'autre. Pas de problème, Rigo. D'accord. Alors, celui qui s'amuse avec la CB va se calmer. Ouais. Direction, ok. Alors, bon, R.A.S. c'est la vacation. Continue. Impeccable. Continue ton R.A.S. Ça commence à bien faire, là. Hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Manu va s'occuper de régler tous les problèmes. Alors, utilise-t-on le dopage à 3 ou à plus? Ça commence à m'énerver. Ouais. Non mais celle-là on la met pas pour les. Ah la question fantasmes. Des fantasmes on n'en parle pas maintenant. On la garde pour plus tard. Ah c'est dommage. Bon, ah non pis. On la garde pour okay. Tout à l'heure parce que je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Donc on enchaîne. Celui qui s'amuse à faire du bruit comme ça commence à m'énerver. Merci. Non mais cherchez pas qui c'est au standard. Cherchez pas ce qui c'est, hein. Bon, ok, on cherche pas. Non, tu vois bien. Fuldar, ils cherchent pas, hein, ils sont fous. Non, mais Fuldar, ils sont fous. Ah bah, Manu, c'est pareil. Ils s'en foutent aussi. Puis je m'en fous aussi. Il va s'allumer sa clope, il n'en a rien à foutre. Ouais. Non, mais ils en ont rien à foutre. Ils cherchent pas qui c'est. Alors, relance le numéro de téléphone et tu me vires tout le monde. Alors, 0803-08-5000, on va virer tout le monde sauf Christian. Et moi ? C'est tout. Mais faut faire gaffe, quoi. Et Kleenex, il est sympa, Kleenex. Là, il y en a qui s'amusent avec des portables sans fil. Donc, je pense qu'on va... On va faire quoi, alors? Si tu me gardes. Ouais. T'es tellement mignonne. Ah, je sais. Ah, ouais, mais... Ils veulent pas travailler, t'es de rien de l'autre, là. Il a une oreille coincée. C'est les derniers débats de Gérard de ta vie. Alors, profite-en. Alors, gère comme tu veux. Attends, c'est le dernier. Tu m'as tapé là? Non, je vais te dire, regarde, il passe pas là. Et tu l'as passé, toi, espèce de feignant. Hein? Et t'es pas payé à rien foutre là. Non. T'es payé à faire le standard, tu veux que je le fasse? Non, j'ai infini ton débat. Ton débat, Gérard. Non, Gérard. Tu gères un peu le tu bosses, ok? Gérard, il y a Laurent Garnier quand même qui est sur l'antenne. Bon, Gérard, je suis pas n'importe qui, hein? Voilà. On peut pas faire le coup, alors, hein, utilise-t-on le dopage à 3 ou plus? Donc, on va demander à Christian. Attends, un fantasme à 3 ou plus? Non, c'est pas un fantasme, là. Ah bon? C'est pas le débat sur les fantasmes? Non. Bon, là, ça commence à bien faire. C'est non, qui, là, à bien faire. Comme par hasard, dès que Max s'en va, vous refoutez votre bordel. Ouais. Alors donc, ça va aller vite, on va conclure, comme ça on va... Moi je suis d'accord avec Gérard. Non, Gérard, on finit la dernière question, c'est la dernière. Non, il y en reste encore une après. Ah, hein. Merde. Donc... C'est... Quoi, merde? Non, rien. Attends, tout à l'heure, toi, tu vas voir si c'est de la merde aussi, toi, là-bas. Le débat, Gérard. Donc, alors, Christian. Oui. Donc, pour toi. Il a rien compris, Christian, laisse tomber. Pour la question, Gérard... Utilisons le dopage à 3 ou plus? À plus. Pourquoi? Parce que c'est... C'est mieux d'être à plusieurs, quoi. Christian, t'as pas du monde chez toi? Non, c'est tout seul. Attends, on entend. On entendait ça pue la transpu derrière. Tout non, c'est pas ça. On n'a pas entendu ça pue la transpu, c'est. Ah si, je peux te le repasser, on a entendu ça pue la transpu. Tout seul. Bon. Donc, Suzon. J'ai une photo de ma copine devant moi. Suzon. Oui, alors moi, je préfère utiliser le dopage à 3 ou à 4, si jamais je me doperais. Mais comme je me dope pas, je voilà quoi. D'accord. Okay. Zippo. Oui. Non, toi. Oui. Non, mais c'est un truc que je fais toute seule. D'accord. Bah, c'est pas mal. Et moi, Kleenex, tu t'en fous. Ouais, ben, Kleenex. Non, mais moi, je me dope tout seul, je me branle souvent, hein, Kleenex. D'accord, alors. Gérard, c'est Laurent Garnier, est-ce que je peux répondre à la question? Ouais. On sait que tu te dopes, Laurent. Non, mais attends. Vas-y, Laurent, je t'écoute. C'est pas Laurent de RTL? Non, c'est pas Laurent. C'est Laurent de RTL, non, mais faut pas pousser mes mains dans les orties, hein. Ouais. Ok, on va reprendre le débat, là, un peu. Ouais, non, mais là, on va. Laurent, tu réponds. Laurent, t'enchaînes, tu mixes, hein. Ouais, c'est quoi déjà la fréquence de Limoges? Attends, quelle est la boutique qui me demande la fréquence de Limoges? Tout à fait. Alors? C'est quoi? Vénère, tu as travaillé ou quoi, toi? Bah, je la cherche. Bah, dépêche-toi, tu devrais la savoir. 92.2. Voilà, 92.2 pour Limoges. Dans quel sens? Et Tourcoing? Tourcoing? Tu peux répéter la question, Gérard, on t'a pas bien entendu. Utilisons le dopage à 3 ou à plus. Bon, Gérard, c'est Laurent Garnier. Tu peux la question à Gérard, on t'a pas bien entendu. Vous les entendez bien, vous? Non, moi j'entends rien. Ça c'est Max. Tu peux répéter la question, s'il te plaît. Ouais, bah, je répète pas, vous l'avez très bien compris. Dernière question. Fabrique-t-on les dopages sur les hommes? Laurent Garnier. Ouais. Attends, je comprends rien à la question, là. Donc Laurent Garnier. Ouais. C'est tout naze. Non, je pense pas, puisque de toute façon moi je me dope pas, donc je pense que ça peut se produire sur les animaux, et tout style de reptiles. D'accord. Kleenex. Peut-on dopage sur les hommes? Et comment? C'est quoi la question? Attends, moi je veux la fréquence à Walibi, Gérard. Et au parc Astérix? Et oui, aussi. Et tu veux pas la fréquence de Ouagadougou? Disneyland Paris. Alors Disneyland Paris, c'est 101.9, tu fermes. Oh là, Gérard, c'est Laurent Garnier quand même, hein. Attends, toi tout à l'heure, quand le Perrier va être but, tu vas te prendre la canette dans la tête. Il y a des problèmes de console. Problème de balance. Non, Gérard, alors. On a dit pas de pub. Gérard, allez, auriez-vous du plaisir à vous doper quand vous faites l'amour et puis terminer, c'est la dernière question parce que là, c'est le bordel. Non, mais c'est le bordel. Là, entre ces deux-là, tu veux rien foutre au standard. Là, t'as 24 lignes qui sonnent, ils te prennent personne. Lui. Je pense qu'il est en train de me fabriquer avec un truc, on a du bordel. Mais il y a Rigo qui travaille bien. Donc Rigo, merci. Merci à tous. Ces deux-là, c'est deux fignants. Il rentre de vacances, l'autre avec ses oreilles de chou. Il dirait un hippopotame. L'autre. Quoi, ferme ta gueule. On se calme là, oh. Bon, la Suzon, tu dégages. Eh, c'est pas moi, alors tu te calmes aussi. Alors Zippo, tu dégages. Ah non, c'est pas moi. Oh, soyez sympa quand même. Non, il y en a une qui a dit que... Bah, c'est pas Suzon, c'est pas moi non plus. Non, bah bien sûr, il y a... C'est un mec qui s'est fait passer pour une nana encore, ça. Ouais, mais c'est pas grave. Alors, en fait, auriez-vous du plaisir à vous doper quand vous faites l'amour? On m'a demandé à Laurent Garnier. Ouais, je dirais ouais, parce que, bon, moi, on va dire que je me dope pas, mais bon... On peut dire que l'ecstasy, ça peut procurer un maximum de plaisir. Ouais, mais en mixant, ça t'arrive pas de te doper? Non, mais ça, c'est une question à laquelle je te répondrai pas. Non, Laurent se dope pas, non. D'accord. Non, qu'à la musique. Max, vous pouvez te le dire. Jusqu'à la musique. On va demander à Kleenex. Bah, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de faire l'amour. Normalement, il n'y a pas besoin de se doper. Hein. D'accord. Et si je te pose la question, si un jour, on te propose, ta copine, elle te propose de l'OPO ou un autre produit pour... Non, on m'a déjà proposé de la DPD, mais j'ai refusé. De la DPD, abruti, va. Eh, venu, c'est dans tes Kleenex, ça t'a... Gaitas. Pépito. Pépito, tu es en saison. Oui, alors moi, je me dope en faisant l'amour. Pardon, je suis moi. Non, mais attendez, je crois qu'il y a un malaise, hein. C'est dopé, je crois, Gérard. Fais gaffe, Laurent, t'es en direct sur Fun, quand même. Flashback. T'as raison. Ouais, c'est ça. Suzon, hé, Laurent, hé, c'est bon, tu coupes Laurent, là. Hop, alors, regardez, quand même, merde. Bon, Suzon. Oui, alors, moi, je disais que je me dope des gens en l'amour. Ouais, mais attends. C'est-à-dire que quand je fais l'amour, pour moi, c'est un dopage. Non, mais attends, moi, je vais te poser une question. Alors, tu te dopes avec qui, sans indiscrétion? Bah, avec ma chérie. Oh, t'es Gwyn alors. Oh, toi, je sens que. Oh, je sens que toi, tu vas faire partie du deuxième débat, mais on va te chauffer à mort. Ah, mais chauffez-moi, mes enfants. Susan, tu seras pas la seule que je vais chauffer pendant le... Mais Gérard, c'est pas Susan, c'est Susan. Ouais, non, mais je m'en fous. T'inquiète pas que t'en as une autre aussi que je vais chauffer. À l'intérêt d'être réveillé pour le deuxième débat. Oh, d'accord. Christian. Oui, mais moi, j'aime bien faire l'amour. Avec Susan? Avec ta main droite? Non, j'aime bien faire l'amour, c'est tout. Avec la main gauche? J'aime bien... Avec la main gauche, non, mais c'est la droite. Position. Non, mais c'est avec la droite qu'on se branle. Non, j'aime bien faire l'amour avec n'importe quelle position. Il y a un message Minitel. Ouais. Il y a Sandy, 80 kilos, qui laisse. Non, faut pas dire des bêtises sur Sandy. Moi, je me dope à la transpiration. Non, je veux pas entendre des bêtises sur Sandy. Attends, toi, tu as... Hey, le prochain coup, tu me redis encore un message. J'entends Sandy dedans, je me lève, je te prends la caméra, je te la casse sur la gueule. D'accord? Ok. Alors, t'as intérêt d'avoir un casque. C'est toi, tu vois, hey, le 24 août. Ouais. Je serais toi, j'essaierai de trouver un casque de CRS parce que je vais venir avec un marteau là. Première connerie que tu vas me faire, je t'assomme là. Et vous deux, c'est pareil là. Le débat, Gérard. Alors, Christian, t'as répondu. Zippo. Oui, moi je me dope pas, mais par contre, je fume une clope après. Bah, de toute manière, tout le monde, en principe, tout le monde fume une clope après avoir fait l'amour. Moi déjà, le premier, je fume une clope après avoir fait l'amour. Je fume avant. Pendant et après. J'imagine. Et en plus, je me tape une bouteille de coca pour moi tout seul après avoir bien un goulou. Avec qui? Ah bah avec qui? T'as qu'à lui demander qu'elle vienne, elle va te répondre toute seule. Non, c'est bon. Ça ira. Hein? T'as Roger? Donc, t'as tout à fait compris. Donc, thème du débat, donc voilà, c'était sur le dopage. Donc, on va demander à Laurent Garnier s'il est encore là, sa petite conclusion. Oui, hein, tout à fait. Donc, débat fort excellent, ma foi. Et je recherche en fait tout style de feutrine. Hein, donc, si vous avez des feutrines techniques, ce Gemini, je cherche tout style. Hein, acide, deep core, transcore, vers même trans de Goa. Hein, je cherche un techno house, c'est même. Ok, c'est bon. C'est bon, Laurent. En live, hein. C'est bon, Laurent. Ça y est, Laurent. On a compris. On te souhaite une bonne journée, une bonne nuit si tu vas te coucher, hein. Oh, Kleenex. Ouais, alors moi je conseille le dopage à personne, sauf éventuellement le DPD pour tenir jusqu'au bout des débats de Gérard, quoi. Alors, les DPD, tu vois ? C'est quoi ? Bah, DPD, je sais pas, c'est les initiales d'un truc, j'en sais rien, c'est une molécule. Bah alors, attends, c'est toi qui sors ça comme connerie. Mais je l'ai lu dans un magazine. Ah bah alors, tu lis tes magazines de merde, et moi je serais quoi ? Tu vois, je prendrais un magazine. Ouais. Hein, un bon magazine de cul. J'essaierai d'avoir un bon petit truc pour bien me fracasser et je me branlerai dessus. Ok, alors en de bon entendeur, salut. Pépito. Il est parti. Oh là là, Gérard. Susan. Oui, alors moi, le premier débat, bon, je m'y connaissais pas trop sur le dopage, mais j'attendais avec impatience le deuxième débat, qui, j'espère, va être très chaud. Ah ben, le deuxième débat, il va être archi chaud, il y a 18 questions. Mais j'espère qu'on va pas chaud. Oh là là là là là là. Ok. Christian. Oui, ben moi le débat du dopage, je le connaissais. J'avais entendu à la télévision. Ouais. Et... Attends, c'est Max là, Christian. Tu veux dire que le débat de Gérard de ce soir, tu l'avais déjà entendu à la télé? Non, mais j'ai déjà entendu à la radio avant de partir en vacances. T'as entendu le débat du dopage de Gérard déjà à la radio avant de partir en vacances à la télé? Non. Ben si, c'est ce que tu viens de dire, Christian. Non. La question du dopage... Ouais. J'ai entendu tout le mois de vacances, tout dans toute l'émission. Ah, dans l'athlétisme. Depuis que le tour est parti. D'accord. Voilà. Donc, Zippo, pour finir. Ouais, bah faisait l'amour et pas de dopage, quoi. Oh, c'est beau, ça. C'est l'amour, pas de dopage. C'est ce que je pense. Aimez-vous. Aussi. Et toi, ta conclusion, Gérard? Moi, ma conclusion, c'est dommage que... Je parle toujours de la conclusion du débat. Toi, tu dois toujours la conclusion de l'ambiance, toi. Ah, moi, la conclusion du débat... Oui, sur le dopage. Sur le dopage, c'est dommage que... On a eu... Petit problème, ouais. Mais... Quel petit problème en France avec le cyclisme? Voilà, c'est dommage. Tu as dit d'ailleurs, on a fait une petite réunion concernant les deux débats avant l'émission, et tu avais fait une allusion très intéressante d'ailleurs sur les gendarmes. Est-ce que tu pourrais peut-être en parler aux auditeurs concernant si un jour vous voulez amener du OPB, c'est ça? Du OP OPO. Donc si vous voulez ramener du OPO, genre vous donner un petit conseil, faites gaffe aux gendarmes. Surtout faites gaffe quand vous êtes sur les routes parce que c'est déconseillé. Donc, si vous voulez faire comme Olivier qui m'a posé la question, bon, je lui ai dit, c'est risqué et péril. Non, mais très sérieusement, si on se fait arrêter... C'est un conseil que je donne à tout le monde. Évitez de vous trimballer avec ça dans... Ouais, ouais, mais... 40 bah, kilos d'obé. Vous rigolez, mais c'est sérieux. Non, mais c'est vrai. Mais pourquoi vraiment? Pourquoi de cave? Pourquoi éviter, quoi? Pourquoi pour les gendarmes. De toute manière, si tu as envie de te retrouver avec les menottes et puis en cabane, bah, c'est ton problème si tu veux finir ouais. ta vie en cabane. Moi j'ai fait de la cabane, mais c'était dans un chalet, c'était au ski pour une semaine, c'était juste ça. Voilà. Non mais ça on s'en fout. Non mais j'espère que Jean-Claude Killy nous écoute parce que peut-être qu'il a. C'est vrai que Jean-Claude Killy, on l'a vu à la télé pendant le journal, il a oublié de préciser que faites gaffe au PO si vous êtes sur la route, c'est tout. Bah ouais. N'en prenez pas si vous faites de la route. Non, bah, non parce que moi j'ai déjà vu un pote qu'on a pris pendant qu'il conduisait, bah, c'est vrai qu'il pédalait plus vite. Attends, il pédale ou il conduit plus vite? Non mais le problème c'est que quand tu prends l'OPO, quand t'es en bagnole, t'as envie de pédaler. Non, mais... Parce que t'as quand même des pédales au pied, donc le mec il a envie de pédaler. Non, mais t'accélères plus vite sur la pédale d'accélérateur. Non, justement, t'accélères, tu ralentis, parce que le mec il pédale. Ouais, mais t'as pas le temps de réagir sur la pédale de frein qui est au milieu. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que toi, je peux pas te dire, mon pote non. est mort hein, depuis. Non, mais tu vois, là-dessus, on rigole un peu, mais ouais, dire une chose. Ouais, sérieux, sérieux. Non, mais être sérieux, c'est vrai. Auditeur de fun. Quand tu prends ça, tu peux pas. Baisse ton siège. Une bonne fois pour toutes. Je peux plus le baisser. Non, mais changez alors, parce que là, c'est plus possible. Non, mais là, moi. Non, mais chaque fois. Non, mais. C'est un truc que, bon, ben, quand vous conduisez, c'est éviter de prendre des trucs comme ça parce que c'est trop dangereux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, ben, le deuxième débat va porter sur les fantasmes. Ouais. Donc, toujours le même numéro. Il y a un truc qu'on dit aussi sur le dopage. On a parlé des gendarmes, mais on n'a pas volé de la police. Ouais, mais c'est pareil. C'est pareil. Ou le SAMU, à la rigueur. Non, mais c'est pareil, c'est eux qui sont là à contrôler. Bon, bah, le SAMU, c'est eux qui te ramènent à l'hôpital. De manière, la première chose qu'ils vont faire, c'est la prise de sang de savoir ce que t'as. Voilà, c'est tout. Ils veulent te doper ce que t'as. Ils vont prendre le temps. Ils vont faire qu'ils font une prise de sang pour savoir ce que t'as dans le coffre. Non, est-ce que t'as. Est-ce, que t'as, bon, est-ce qu'on peut savoir d'une prise de sang ce, qui se passe, ce qu'il y a dans le coffre? Ça dépend des examens médicaux. Ah. Mais comment Non mais ça, c'est-à-dire que moi je suis dopé, c'est vrai que je suis venu en VTT par exemple, Manu qui vient en VTT à la radio, on peut dire que ça il est forcément dopé. Bah lui avec donc je décide de mon plein gré avec la police municipale de gendarmerie de Neuilly de faire une prise de sang illégale sur Manu. Est-ce que je peux savoir ce qu'il y a dans son coffre de VTT? Bah, c'est comme il peut pas avoir un coffre sur son VTT. Donc si vous voulez nous appeler pour le deuxième débat, donc tout on n'a pas parlé 0803, on a pu parler des infirmières quand même. Non, mais et des pompiers aussi. Des pompiers. Et les extraterrestres. Non, quelle est d'après toi, avant qu'on conclue, parce qu'on passe à autre chose, quelle est d'après toi pour les auditeurs de Fun Radio, quelle est la profession, le métier où on se dope le plus, en dehors du sport. Les routiers. Les gens disent que c'est les routiers. Et les cyclistes. Du fait de tenir aussi longtemps, est-ce que les routiers se dopent pas? Non, sérieux, pour faire 10 ans de route. Non. Attends, il y a de l'OPO dans la couchette derrière là. Non. Elle est bière à l'OPO. Non, je te démentis. La bière à l'OPO. Il y a de la cro aussi. Non, mais ça. La cro-PO. Mais attends, on va pas s'amuser à citer les marques, toi. Et on a entendu parler aussi dernièrement à Paris, sous je crois que c'est dans le. Enfin, c'est à l'autre bout de Paris, le POPB aussi. Ouais, mais ça, c'est. Palais Omnisports de Paris-Bercy. Ah, pardon. Ah, donc, si vous voulez nous appeler, vous pouvez toujours nous appeler pour le deuxième débat au 0800-3085000. Du PC aussi. Ouais, PC, c'est petite ceinture. Je vais parler aussi du CCCP. Compte chèque postaux. Oh, il est contre les chèques postaux. Le PCT, PC, travaille tranquille. CGTP, je m'en souviens plus. CGT Je m'en souviens pas. Au revoir. CGT, je vais te le dire moi, ça veut dire feignant. Bon bah de toute manière, rien qu'à voir ces deux-là au standard qui veulent rien foutre. Hein. Bon t'as 24 lignes. Oh t'as couche. Alors ouais, on tient quand même à préciser que le deuxième débat qu'il est 2h51 sur Fun Radio. Voilà. Et qu'on nous écoute partout dans le monde. Ouais. Et que y a 24 lignes qui sonnent. Ouais, et que les deux branleurs aussi. Que l'internet, il y a combien de personnes encore? Ouais, il y a au moins 600 personnes. Non, sérieusement. Sérieusement, il y a une petite centaine de personnes. Une bonne centaine de personnes. Ouais. Et que sur Minitel. Une quinzaine. Alors, Minitel, vous réveillez 3615, Code Fun Radio, rubrique direct. Adieu à toujours tous. Le 0803-085000 pour participer au deuxième débat qui portera sur les fantasmes. On va s'écouter Noir Zézir avec Tostaki. Nirvana, bravo.